On est là pour une conférence avec Tristan Réchid. On va parler de démocratie, démocratie participative. Et tu as écrit un livre, Réanimer la démocratie. Donc tu vas nous en parler aussi, hein, j'imagine, un petit peu. Donc je te laisse la parole. Allez, bon. Alors moi j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Parce que du coup, mon propos va être plus ou moins subversif en fonction de qui vous êtes. La dernière fois que je suis intervenu, c'est en Ardèche, il y avait une centaine de personnes et du coup, j'avais un public très subversif, donc j'ai eu un propos très subversif. Je m'adapte. Donc il faut que je vous pose d'abord une question avant de commencer, c'est de savoir si vous considérez qu'on est en démocratie ou pas. Ah ouais, ouais. Faites gaffe, parce que du coup, ceux qui pensent que oui, là, ils viennent de se faire écraser, là. Oh là là, oh putain, je vais pas me positionner en disant oui, parce que je vais me faire éclater la gueule par les gens, là. Donc, ouais, d'accord. Donc, alors, peut-être que c'est pas si binaire que ça. Voilà. Moi, je pense que si, hein. Mais bon, bah, on verra, je vous expliquerai après mon point de vue. Mais donc, du coup, l'idée, c'est un peu de se poser la question si on est en démocratie. Ça serait une drôle de question, en plus, quoi, parce que, évidemment, qu'on est en démocratie, enfin... Tout le monde dit qu'on est en démocratie. C'est qui ? C'est des gens qui disent qu'on est... France Inter le dit. Je veux dire, donc, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait être contre cette idée-là, sans faire partie du clan des extrêmes, vous savez, les extrêmes. Peut-être partie, vous faites partie des extrêmes, peut-être vous. Voilà. Vous savez, les extrêmes, on rentre pas là-dedans. Du coup, ma question, donc, c'est de savoir si, contrairement à ce qu'on se dit depuis de très nombreux, enfin, depuis tout le temps, est-ce qu'on est véritablement en démocratie ? Et je vous demande, avant d'avoir cette discussion-là, de faire fi un peu de l'année complètement incroyable qu'on vient de vivre. Hein ? C'est-à-dire qu'on a même un chef de l'État qui n'a pas reconnu le résultat d'un vote. C'est-à-dire que le seul truc qui pourrait nous faire croire qu'on est encore en démocratie, c'est qu'à un moment donné, on respecte le résultat des urnes. Et là, même ça, pépère, bam, il s'en fout. Waouh ! Enfin, on a vécu, enfin, moi j'ai vécu un moment absolument extraordinaire de ce point de vue-là. Donc on va pouvoir se poser la question si le vote, c'est la démocratie, si on est réellement représenté et qu'est-ce que ça veut dire être représenté. Mais là, il y a un an, on a même vécu un endroit où la question se pose même plus. C'est-à-dire que le mec, il respecte même pas les résultats de sortie des urnes. C'est-à-dire que nos représentants, enfin, bref. Donc je vous demande de faire fi de cette année complètement folle qu'on vient de vivre en France. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez qu'on a été un jour en démocratie ? Ouais, comme ça, je ne vous parle pas de l'instant d'aujourd'hui, on est sûrement dans un moment de bascule. La question que je vous pose est plus large que ça, c'est est-ce que vous pensez qu'on était en démocratie, qu'on a été en démocratie ? Pour ce faire, je vais avoir besoin qu'il y ait des gens qui se manifestent. Je vais avoir besoin que ceux qui pensent qu'on est quand même en démocratie, il ne faut quand même pas déconner, on n'est quand même pas en Chine. Je vais avoir besoin que ces gens se lèvent. Ouais, non, c'est trop compliqué. On va faire lever les autres. Alors, du coup, ça va être trop compliqué. Donc, il va y avoir un peu deux camps, d'accord ? Et encore une fois, la question n'est peut-être pas si binaire que ça. Donc, il y a sans doute des arguments à trouver pour dire qu'on est plutôt en démocratie ou plutôt pas en démocratie. Je vais demander, du coup, est-ce que des gens jouent un peu le jeu du « on est plutôt en démocratie ». Donc, même si vous mentez un peu... voilà. Donc, est-ce que les gens qui pensent qu'on est quand même plutôt en démocratie, donc sont prêts à défendre cette idée qu'on est plutôt en démocratie, peuvent se lever, s'il vous plaît ? Super. Alors, moi, je me lève pas parce que je réponds à ça. C'est juste pour vous voir. Très bien. Alors, les gens qui sont debout, il va falloir choper quelqu'un qui est assis. Donc, restez debout, ceux qui sont debout. Et il va falloir engager la discussion avec cette personne. Ceux qui sont assis, moi, je suis dans votre camp. Ramenez-moi ces gens qui sont debout. D'accord ? Je vous donne la consigne, donc il va falloir échanger. Celui qui est debout va chercher quelqu'un qui est assis, vous échangez tous les deux. L'idée, c'est de vous convaincre. Donc il faut ramener dans un camp ou dans l'autre. Moi, je suis dans le camp de ceux qui sont assis. Donc je vous dis, ceux qui sont assis, soyez forts et convaincants. Et après, on en discute. Ça va ? Donc ceux qui sont debout, allez pécho quelqu'un qui est assis. Et vous avez 5 minutes, 10 minutes pour échanger les uns et les autres des arguments pour essayer de faire basculer l'autre dans votre camp. Vous êtes dans le même camp, vous ? Est-ce qu'il y a des binômes partout ? Vous êtes d'accord tous les deux ? Ah bah voilà, bravo ! La démocratie, c'est pas une liberté. C'est aussi le fait de donner la parole à tout le monde et d'écouter cette parole-là. Et enfin, moi, je suis pas un exemple. Et en plus d'avoir des représentants qui nous représentent, qui, par rapport à leur, au discours qu'ils ont pendant la campagne électorale, le respectent une fois élus. Et ça, j'en ai quand même quelques preuves au plus haut niveau de la France. Quand un certain candidat a dit que son adversaire, c'était la finance, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il l'a dit, il l'a répété. Une fois élu, il ne l'a pas respecté. Et qu'est-ce qu'on a comme recours ? Les élections, les élections suivantes. Oui, mais c'est mais bon. Ça veut dire qu'on est en démocratie tous les 5 ou 6 ans. Et encore. Il n'y a pas que l'élection présidentielle. Il y a la démocratie, ça se fait à tous les niveaux. C'est au niveau local, enfin, il y a les municipales. Et il y a plein de choses. Ouais. Mais je pense que le système est à un certain niveau de démocratie. Je suis d'accord qu'il y a énormément de limites et que c'est très compliqué, mais on nous demande quand même notre avis. Il y a des poules, on a trois pouvoirs qui sont relativement séparés. On a un niveau de corruption qui est quand même plus limité que dans certains pays. En fait, si on... Ouais, ouais. On a un président quand même qui sort de prison. Oui, tout à fait. Même si c'est limité. Et, ouais, il était en prison. On peut se féliciter de ça. Le pouvoir judiciaire est quand même resté. C'est la preuve, oui, bah oui, une certaine indépendance de la justice quand même. Oui. Et ouais. C'est. En fait, le côté se demander si on est en démocratie, ça veut dire que si on n'est pas, est-ce qu'on est forcément en dictature ou, enfin... Non, est-ce que. Est-ce qu'on donne la possibilité aux habitantes et aux habitants de décider de comment on fonctionne, de comment on prend une décision, de comment on se rassemble, comment on discute, comment on dit, ou alors comment on tire au sort des candidats qui sont aptes à représenter la population, comment est-ce qu'on met ça en... À part le bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, je vois pas de... Moi, j'ai été élu dans un village. On a quand même débattu de choses qui ont trait à la vie de la commune. Alors au niveau national, ça peut passer que par des représentants, dont les députés, les voilà. Après, c'est direct. Après, le droit de manifester en France. Mon troisième argument, la fabrique du consentement. Avec la troisième force des médias. Donc effectivement, on n'est pas en démocratie, mais je ne sais pas en quoi on est. Parce qu'on n'est pas en dictature. Oligarchie. Ah, oligarchie quand même, pas mal, c'est pas mal. Oligarchie financière. Un présidentialisme aigu, ça c'est sûr, qui m'embête beaucoup. Le monopole financier mondial. Monisme débridé et totalement écrasant. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas que la France, on est sur le joug complet mondialiste de la finance. Et les fausses démocraties, c'est juste le jouet de ce genre de choses. Enfin, l'inverse. Bon, messieurs, dames, on va refaire collectif. Alors, ceux qui étaient assis, est-ce que vous avez réussi à ramener dans l'autre camp ceux qui étaient debout ? Ah, ça s'est inversé, merde, on a perdu des... On a perdu des camarades. On va essayer de s'échanger quelques arguments. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le fait que moi, je n'ai pas de réponse à cette question. En fait, enfin, j'ai ma réponse, mais comme chacun d'entre vous. Je ne vais pas vous affirmer des vérités. Je vais juste vous dire ce que moi, j'ai observé et ce que j'ai mis en place. Et ce qui me donne cette légitimité-là, c'est que j'ai écrit un bouquin. Voilà. Donc le jour où vous écrirez un bouquin, vous pourrez le faire aussi. Voilà. Aujourd'hui, c'est moi qui suis derrière le micro et que c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des arguments de gens... On commence par quoi ? Oui, on va commencer par ceux qui pensent qu'on est en démocratie. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un argument pour nous dire qu'on est évidemment en démocratie aujourd'hui en France ? Est-ce qu'on peut définir démocratie ? Ouais. Alors, du coup, ceux qui pensent qu'on est en démocratie, est-ce que vous pouvez du coup nous donner votre vision de la démocratie, nous dire pourquoi on est dans cette démocratie-là ? Bon, je ne suis pas encore un expert dans cette matière, vu que je suis encore un enfant, mais moi, je pense qu'on est en démocratie, car la définition de démocratie, si je ne me trompe pas et si j'ai bien révisé mes cours d'histoire, c'est qu'on élit un représentant qui représente le peuple et qui élit des lois pour le peuple et par le peuple. Je crois que c'est ça. Du coup, ouais. Je me dis qu'on est en démocratie. Par le peuple, ça marche ? Comme il est élu, du coup, voilà. Par le peuple, du coup, ça fait qu'on est en démocratie. Ouais. C'est ça. Ok, ça marche. Ok. D'autres arguments pour dire qu'on est en démocratie ? On est dans une démocratie représentative. Ouais. C'est là où le débat peut avoir lieu. Ouais. Je veux dire, c'est que la question, c'est que qu'est-ce que la représentativité aujourd'hui ? Qui est remis en cause, mais pour plein de choses. Hein. Pas que, voilà, je veux dire, moi, pour moi, on est dans une démocratie, il y a une constitution, il y a des lois qui définissent nos représentants. Maintenant que nos représentants ne représentent plus comme il faut en termes de miroir, ça c'est autre chose. Mais pour moi, il y a quand même une base de la démocratie, il y a une justice, heureusement. Je dirais, il y a un certain nombre d'institutions politiques qui nourrissent, il y a un conseil constitutionnel, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont là pour contrôler aussi, et en même temps faire en sorte que... Donc voilà, que la démocratie représentative soit remise en cause, c'est une chose... Mais le mot démocratie reste quand même le même. Très bien, merci. Allez, on va passer dans l'autre camp, parce que maintenant ça suffit. Ceux qui pensent qu'on n'est pas en démocratie, du coup, donnez-nous des arguments. Moi, je pense qu'on n'est pas en démocratie parce que la démocratie ne se limite pas à mettre un bulletin dans l'urne de temps à autre. Par exemple, un argument... les services publics sont un bien commun. Ils vous appartiennent à tous, ici, et à toutes. Or, l'équipe qui nous gouverne depuis déjà bien trop longtemps n'a eu de cesse de les bousiller. Et vous a-t-on demandé votre avis ? Nous a-t-on demandé notre avis pour savoir si on avait envie que les services publics soient bousillés ? Et je vous signale, je ne sais pas si vous le savez, mais le gouvernement prévoit d'arrêter avec les tarifs réglementés pour EDF, et tout ça dans le plus grand secret. Et or, c'est une entreprise publique qui nous appartient à tous et toutes et qui marchait, ma foi, pas si mal. Donc, voilà, est-ce que... Donc, tu nous donnes un exemple comme quoi, effectivement, voilà. On n'est pas en démocratie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour nous dire qu'évidemment, on n'est pas en démocratie ? Je vais potentiellement vous tutoyer, mais c'est parce qu'on parle de politique et du coup, voilà. Hein, voilà. Ma voisine parlait de 49-3, je partage son avis. Tout à l'heure, la définition de voter des lois pour le peuple, on voit bien qu'en fait, ils font des lois pour se protéger eux. Donc, ils ne sont pas au service du peuple. Et puis, moi, pour moi, la démocratie, elle est forcément participative. Sinon, ce n'est pas de la démocratie. C'est mon point de vue. D'autres prises de parole ? Ok. Le vote blanc et l'abstention ne sont pas pris en compte. Un autre argument pour dire qu'on n'est pas en démocratie, puis après, on repasse dans l'autre camp ? Pour moi, il y a la notion du fait que on n'est pas actif de notre démocratie, donc on ne peut pas être dans la démocratie. Les gens ne savent même plus qu'est-ce qu'on fait dans la démocratie, ne savent même pas comment ça fonctionne. On n'a pas de temps pour la démocratie. La plupart des gens ne participent pas à la vie quotidienne, ils participent juste à boulot, métro, dodo, et c'est tout. Donc je ne vois pas comment on peut être en démocratie, ne sachant même pas comment elle fonctionne. Et en s'intéressant la veille des élections au programme, en les lisant et en se disant « Ah bah tiens, ça m'intéresse », sans savoir ce qu'il y a derrière. Ok, donc là tu soulèves le fait que la population et les citoyens ont une part de responsabilité aussi dans le fait qu'on ne soit pas en démocratie. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on bascule dans l'autre camp ? Des gens qui... c'est pour nous dire qu'on était en démocratie ou pas en démocratie ? Pas en démocratie. Bah vas-y, vas-y. Bah écoutez, à un moment donné, on vote pour des présidents, enfin pour des gens tous les 5 ans, et entre-temps, on n'a pas la possibilité de s'exprimer. Il y a bien des règles qui existent pour le faire, mais elles ne sont pas tellement non plus respectées et suivies. Quoi. Ok, donc il n'y a pas de contrôle de nos représentants. Il n'y a pas de contrôle. Entre-temps, une fois tous les 5 ans, puis après... Ça vous parle, le mandat impératif ? Le mandat impératif, il est interdit en France. Le mandat impératif, c'est ce qui obligerait un élu à faire ce qu'il a déclaré, ce qu'il allait faire. C'est-à-dire qu'il a été élu sur un programme, sur un certain nombre d'engagements. S'il ne respecte pas ses engagements, il pourrait y avoir un pouvoir de destitution de la part du peuple, qui destitue l'élu, en considérant que l'élu ne représente plus le peuple, puisqu'il ne respecte pas les engagements qu'il a pris. Ça, en France, c'est interdit. Le seul moyen de contrôle qu'on a sur nos élus, c'est d'attendre le mandat d'après, les élections qui viennent. On a l'impression que j'ai un avis, du coup, sur la question, ou pas, quand je dis ça Pardon. J'essaie d'être plus neutre que ça, mais là, bon, voilà, il n'y a pas de mandat impératif en France. Il n'y a pas de moyen de contrôle des élus en France. Ça, c'est un fait. Voilà, on élu des représentants, mais on ne peut pas les contrôler. Le mandat impératif, il faudra regarder si ça existe dans d'autres constitutions, effectivement. Je suis pas sûr, plus ou moins. Non, je suis pas un constitutionnaliste. Je vais pas me la péter. Je n'en sais rien. Je peux pas vous répondre à cette question. Mais en tout cas, il est sûr que on a des démocraties qui sont, des régimes dits démocratiques qui sont différents d'un pays à l'autre. Et en France, on a quand même une particularité, c'est que notre régime ressemble quand même très très fort à un régime présidentiel. Alors, on dit pas ça. Hein. Évidemment que c'est les parlements qui votent, qui font les lois et qui votent la loi. Hein. Voilà. Donc chez nous, il y a une confusion extrême entre l'exécutif et le législatif. Ceux qui exécutent ne font pas qu'exécuter les lois, ils font aussi les lois. Et tout ça, c'est la dérive qu'on a avec un président de la République qui nomme un premier ministre et qui a un gouvernement qui est dans sa couleur politique et qui finalement fait un peu fi de ce qui peut se passer dans une assemblée nationale. Et là, depuis un an, c'est ce qu'on pouvait dire, mais on pouvait nous traiter un peu de complotistes ou dire quand même on exagère. Là, c'est tellement évident depuis un an que du coup, voilà, aujourd'hui, c'est même plus la peine de se poser la question, cette question-là. On est dans un régime présidentiel, on a effectivement un problème dans notre pays, c'est qu'on a un président. Et enfin, c'est pas tellement le problème qu'on ait un président, c'est le pouvoir qu'on lui confère. Et qui fait une confusion énorme. Et dont il se sert. Et on en discutera tout à l'heure, parce que moi, mon propos, c'est surtout autour des municipales, parce que moi, à l'échelle nationale, je ne sais pas ce qu'il faut faire, hein, je suis aussi impuissant que vous. Par contre, au niveau local, au niveau municipal, moi, ça fait 10 ans que je bosse là-dessus, et on regardera, mais peut-être que le maire a les mêmes attributs que notre président. Une espèce de toute-puissance. On en discutera peut-être de ça tout à l'heure. Le pouvoir du maire, qui ressemble très très fort au pouvoir du président. Vous voyez, un peu d'un personnage un peu clé comme ça. On enchaîne ? Bon, moi je vais essayer de vous donner mon propos, et en tout cas de vous livrer mon propos sur le fait que non, pour moi, évidemment, on n'est pas en démocratie. À partir du moment, moi je pars tout simplement de la racine du mot, le pouvoir du peuple. Pour moi, un régime qui est basé sur un système de représentation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le premier acte de notre régime, c'est de confisquer le pouvoir au peuple pour le donner à des représentants. On est d'accord que c'est ça notre démocratie. Hein. On enlève le pouvoir au peuple pour le confier. Alors confier, c'est peut-être plus positif. On va commencer par des choses positives. On enlève le pouvoir au peuple qui le confie à ses représentants, qu'il a élus. Comment ? Mais dis donc, pourquoi tu prends la parole comme ça, toi, dis donc Oui, tout à fait. Je vais juste du coup tirer mon fil et après on se reposera la question de la représentation et de ce que ça veut dire représenter. Donc, nous, dans notre régime, et ça, c'est quand même le trait caractéristique de toutes les sociétés dites démocratiques en Occident. Il n'y en a pas une qui fonctionne en démocratie directe. Hein. Toutes nos démocraties libérales, on appelle ça souvent des démocraties libérales, fonctionnent sur ce système de confiscation du pouvoir au peuple pour le filer à des représentants. On est d'accord avec ça ? Voilà. Appeler ça démocratie, je trouve que c'est un peu fort de café. On peut appeler ça une république. On peut dire qu'on est dans un état de droit. On peut dire que nos libertés fondamentales sont préservées. Même si on peut commencer à observer quelques dérives. Bon, mais n'exagérons pas. Évidemment, nous ne sommes pas en dictature. C'est un fait. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas en dictature qu'on est en démocratie. On est dans un état de droit. Nos libertés fondamentales sont assurées. Nous avons des règles. Nous avons un conseil constitutionnel. Nous avons plein de garde-fous qui font qu'on n'est pas en dictature, c'est un fait. Mais dans une démocratie, pardon d'insister là-dessus, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple envisage une intervention directe des citoyens dans la gestion des affaires de la cité. Enfin, juste en reprenant l'étymologie du terme, pardon, mais... Donc démocratie participative, c'est un oxymore. Démocratie représentative, c'est un oxymore, c'est un contraire. La démocratie ne peut pas être représentative. Comme la démocratie participative est évidemment un pléonasme. La démocratie ne peut pas être autre que participative. La démocratie, c'est plus que de la participation. C'est du pouvoir direct des citoyens sur les affaires qui les concernent. Et je vous invite à regarder, c'est moi, mon bouquin phare, un bouquin qui a démarré toute mon aventure. En fait, c'est un bouquin d'un historien québécois depuis Derry, qui a travaillé sur l'étymologie de ce mot et qui a fait une étude comparative entre ce qui s'est passé en France et aux États-Unis et qui a fait la démonstration qu'en France, et aux États-Unis aussi, mais en France, la question de la démocratie s'est posée à la sortie de la Révolution française. C'est pas le choix qui a été fait. Donc si on n'est pas en démocratie, c'est pas parce qu'on s'y est mal pris. Si on n'est pas en démocratie, c'est parce que ça a été un choix. C'est la République qui l'a emporté à la sortie de la Révolution française, c'est pas la démocratie qui l'a emporté. Je vous envoie vers les propos de la BCIS et d'autres personnages révolutionnaires qui considéraient que le peuple, qu'il ne fallait surtout pas donner le pouvoir au peuple, puisque le peuple était gouverné par ses envies, ses intérêts, etc. Je vous invite à lire tout ce qui a été travaillé et tous les débats absolument incroyables qu'il y a pu y avoir à la sortie de la Révolution française. Et très clairement, il y a un choix qui a été fait, et le choix qui a été fait a été le choix de la République contre celui de la démocratie. Ça va avec ça ? Peut-être des interventions là-dessus, puis après on va se poser la question de bah, maintenant qu'on a dit qu'on n'était pas en démocratie, ça fait bien l'affaire. On va maintenant essayer de parler de manière positive et de voir un peu comment est-ce qu'on peut construire une démocratie. Vous voulez intervenir ? On vient d'aller regarder la définition de la République. Du coup, c'est un mode d'organisation du pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants de la population. Mais du coup, on ne peut pas être en République démocratique. Mais du coup, il y a plein de pays qui s'appellent République démocratique. Et... du Congo. Bah oui, je sais bien. Mais... on va voir. Moi, ce que je vais vous proposer, ce que je vais tirer comme fil au fur et à mesure, c'est pas forcément de faire un choix entre la représentation et la démocratie directe, c'est de voir comment les deux peuvent être combinés. Moi, je reste convaincu qu'il faut des élus, qu'il faut des représentants. Bah, parce que poser toutes les questions à 67 millions... Enfin, il y a un truc qui marche pas, en fait. Voilà. Donc la démocratie directe, où tout le monde décide de tout, tout le temps, c'est pas la définition de la démocratie, c'est la définition du bordel. D'accord ? Donc la démocratie, c'est sûrement pas tout le monde décide de tout, tout le temps. C'est sans doute autre chose que ça. Mes références sont souvent anarchistes. D'ailleurs, Depudéry est un anarchiste. Donc il a une lecture pas complètement objective et désengagée de ce qu'il raconte, évidemment. Enfin, qui a une lecture objective ? Nos journalistes, évidemment. France Inter, on a parlé de France Inter tout à l'heure ou pas ? Non, pas tout à l'heure. Évidemment qu'il y a une vision anarchiste de l'affaire. Et puis du coup, juste vous dire, je ne sais pas ce que vous avez comme image de l'anarchie, c'est un mot qui a été piqué, ça, hein, puis du coup qui a été bien détourné, quoi. L'anarchie, ce n'est pas l'absence de règles. Hein. Ce n'est pas la loi de la jungle, ce n'est pas la loi du plus fort. L'anarchie va avec les règles. La question de l'anarchie, c'est qu'il n'y a pas de domination. C'est le rapport de domination que ça vient travailler. C'est l'ordre sans le pouvoir, voilà. Mais il y a une forme de pouvoir, et c'est le pouvoir de la règle. Et c'est le pouvoir de la règle collective et le pouvoir de la règle collective qui doit être écrit par le collectif et qui peut être remis en question par le collectif. Si on est là-dedans, ça marche. S'il n'y a pas de règle, c'est la loi du plus fort. Et c'est sûrement pas l'anarchie. Voilà, donc je vous invite aussi à aller regarder un petit peu ce qui se passe autour de l'anarchie. Et dans l'histoire dont je parle, du coup, je ne me suis pas présenté, mais quand je viens d'un petit village qui s'appelle Saillant, dans la Drôme, et quand j'ai passé une dizaine d'années à parler de l'histoire de Saillant, et en fait, moi, j'ai des anarchistes qui sont venus me voir beaucoup en me disant « Mais putain, cette histoire me fait penser à tous mes fondements anarchistes, en fait, quoi. » Donc il y a quelque chose dans l'histoire de Saillant qui a réveillé la petite graine anarchiste chez beaucoup de gens. Donc vous verrez en quoi, peut-être en quoi, et je vous assurer qu'à Saillant, il y avait des règles, hein, et que on faisait pas n'importe quoi tout le temps. Tu voulais prendre la parole, ouais. Ouais. Du coup, moi, c'était une question. Vous dites que la République et la démocratie, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Je crois que ça parle pas de la même chose. La démocratie, c'est un système d'organisation. Et pourquoi pas choisir de pas faire de démocratie, c'est pas un problème. Moi, je trouve que là où il y a un problème, c'est qu'on ment. En fait, c'est l'illusion qui est problématique pour moi. Et cette illusion, elle nous emmène tout droit vers l'autoritarisme et le fascisme. J'essaierai de vous dire pourquoi, moi, je pense que de continuer à affirmer que ce qu'on vit là, c'est la démocratie, je vais essayer, bah, peut-être que vous l'avez déjà en tête, que le fait de s'obstiner à dire ça, ça nous emmène tout droit vers le fascisme. Comment vous voulez défendre ce système, celui-là, là, contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, au deuxième tour, depuis quelque temps, on a un candidat dit du système, pas démocratique, hein, notre système, face à un candidat de l'extrême droite. Hein, c'est quand même un petit peu, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein, on sait juste que l'extrême droite, malheureusement, est au deuxième tour des présidentielles à chaque élection. À la force de demander aux gens de faire le choix entre un système qui est en déliquescence la plus totale, auquel plus personne ne croit, le choix entre ça et l'autoritarisme, à un moment donné, c'est l'autre choix qui va être fait. Hein. Donc moi, je pense qu'on a tout intérêt à dire que ce qu'on vit là, c'est pas de la démocratie, et qu'on a une troisième voie à inventer, qui est celle de la démocratie. Voilà, moi je pense qu'on a tout intérêt à réallumer des horizons démocratiques et à surtout pas faire croire que le seul horizon désirable, c'est la chienlit dans laquelle on vit dans nos régimes. Parce que ça, ça fait plus envie à personne, en fait, quoi. Donc il va falloir réallumer des étoiles. Hein. Et je crois qu'il y a urgence à faire ça, avant de basculer dans un truc qui, pour le coup, va remettre en question nos libertés individuelles. Moi, je fais encore la différence hein, entre un Macron et un Le Pen. Hein. J'arrive encore à faire très nettement la différence entre les deux. Voilà. Mais la digue est en train de céder. Tu voulais nous dire ? Alors, j'ai oublié ma question tout à l'heure. Mais... Ok. Mais vous, qu'est-ce que vous envisageriez pour que ce soit une démocratie donc à vos yeux ? Parce que pour vous, à ce jour, je ne suis pas là depuis le début, mais il me semble que vous avez dit que ce n'en est pas une. Donc, qu'est-ce que vous envisageriez pour que ça en devienne une ? Alors, c'est ce qu'on va développer là pendant une petite demi-heure, mais je ne vais pas pouvoir tout dire là maintenant. Très bien. Parce que c'est un peu le contenu qu'on va dérouler tout le long. Mais on verra à la fin si la réponse vous convient. Ok, très bien. Comme vous voyez, je vous vois. Mais pas de problème. Mais voilà. Mais on répondra, de toute façon, on a une heure pour répondre à cette question, en fait. On a trois quarts d'heure encore pour répondre à cette question. Après, juste si... Ouais. Alors, je ne suis pas très calée politique, démocratie et tout. Ce n'est pas un sujet auquel je m'y intéresse globalement. Mais ça reste quand même une démocratie indirecte. C'est le peuple qui a élu les présidents, les maires, enfin, toutes ces personnes haut placées, entre guillemets. Donc, ça reste une démocratie dans le sens où nous avons voté pour ces personnes qui nous représentent aujourd'hui. Même si tout le monde n'a pas eu le même vote, ça reste... Tout à fait. Donc il y a une avancée majeure en France et dans tous ces régimes qui s'appelle le suffrage universel. C'est une avancée absolument majeure. Une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans, la voix d'un homme est égale à la voix de n'importe quel homme est égale à la voix de n'importe quelle femme. Et donc du coup, ça c'est une avancée absolument majeure, évidemment, dans nos sociétés. Mais ça ne suffit pas. C'est pas... Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les programmes sont souvent plus ou moins flous, sont évidemment plus ou moins respectés, et en plus, vous n'avez absolument aucun contrôle sur l'exécution de ces programmes. Donc on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais il va falloir qu'on se pose la question de ce que c'est un représentant pour pouvoir justifier que la démocratie représentative puisse être une démocratie. C'est quoi représenter quelqu'un ? Est-ce que vous avez une idée, du coup, de ce que ça peut être que la fabrique ? Alors, faire de la politique, c'est construire l'intérêt général, on est d'accord, c'est un truc qui ressemble à ça. Du coup... On demande à des représentants de fabriquer la volonté générale. Comment ils font ? Comment on fait ? Qu'est-ce que ça veut dire être représentant ? Qu'est-ce que ça nécessiterait de faire pour que cette formule, elle puisse fonctionner ? Ouais, au moins de la consultation. Est-ce qu'on est d'accord que l'intérêt général, en fait, c'est une construction ? C'est un peu bizarre, l'intérêt général, hein ? Mais c'est une espèce de construction qui est quand même basée sur des intérêts individuels, qui ne sont pas les mêmes, voire même qui s'opposent. On est d'accord, ça ? Faire de la démocratie, du coup, ça serait du coup mettre dans une salle, délibérer avec des gens qui ne pensent pas comme vous, qui ont des intérêts différents, et à la suite de la délibération, on aboutirait à une décision, et ça serait ça l'intérêt général. Comment on fait pour faire ça ? Si on ne fait pas venir directement les gens, comment l'élu peut considérer qu'il est représentant de son peuple ? C'est qui d'ailleurs, peuple ? Enfin, comment tu fais pour faire ça, en fait ? Une fois que tu as été élu, comment tu fais pour traduire les intérêts individuels en intérêt général ? Comment tu fais cet exercice ? Est-ce que vous pensez que les élus, au lendemain de leurs élections, en fait, il y a une espèce de connexion neuronale supplémentaire qui leur permet d'avoir une espèce de vision de tous les intérêts de leur population, là, et de se connecter, bam, à l'intérêt général. Moi, je vois que ça comme explication, hein, parce que sinon, je n'en vois plus aucune. Sauf si nos représentants étaient en contact permanent avec leurs administrés, s'ils faisaient vivre la contradiction et qu'ils faisaient vivre les rapports contradictoires, pourquoi pas ? Mais je ne crois pas que nos représentants soient au fait de des intérêts de leur population. Parce qu'en tout cas, il n'y a rien qui est fait pour... Alors, il y a un peu de démocratie participative, évidemment. Sur certains sujets, on va consulter les gens, on leur demande leur avis. Ça s'appelle des lobbies, ouais, ça s'appelle aussi des lobbies. Il y a deux prises de parole, tu voulais prendre la parole, et puis toi après, ouais. Les gens, ils sont élus suite à un programme, Et du coup, quand tu es désigné représentant d'un peuple, et ben, du coup, tu vas suivre ce programme qui t'est engagé parce que les gens ont voté pour ce programme-là. Du coup, après, on se passe de la consultation, de la délibération, du fait d'être connecté avec le peuple, parce que c'est ce programme-là du coup, que tu es censé suivre et qui va du coup, porter ton engagement politique, etc. Donc je pense qu'il y a un raccourci qui est fait, mais qu'après, on n'est plus consulté. Et je suis d'accord avec ce que tu disais, du coup, sur le fait que c'est tellement large, les programmes, qu'on peut y mettre ce qu'on veut, et etc. Quoi. Mais ça manque, oui. D'accord avec ce que tu dis. Moi, il faut quand même se mettre dans l'histoire. Je pense qu'à un moment donné, quand on a eu les mouvements d'éducation populaire, quand on a eu tous ces aspects-là, il y a eu à un moment donné les partis politiques qui ont émergé à ce moment-là aussi. Et les partis politiques étaient porteurs de programmes qui n'étaient pas simplement le fait que d'aller voter. Il y avait aussi tout un travail en amont. Je pense qu'il y a une évolution de société qui est aussi là, qu'il faut pas, voilà, je veux dire, ça correspond. Ce qu'on vit aujourd'hui dans la représentation ou dans la République, dans la démocratie, comme tu le veux, c'est quand même, malgré tout, faut le mettre en perspective et en amont de ce qui s'est passé. C'est vrai que le mouvement d'éducation populaire a quand même été un mouvement, alors pour les gens de gauche, on va dire, plutôt un mouvement de gauche, où il y a eu véritablement cette mise en abîme d'un programme, d'une société différente. Je crois que, voilà, aujourd'hui, on n'en est plus là du tout, parce que les partis politiques, on les rencontre que maintenant, au moment des élections, hein, quand des affiches, on y va, ça veut plus rien dire grand-chose. Il y a une vraie crise, enfin, il y a remettre en cause les partis politiques, mais avant, il y a eu cet aspect-là. On ne peut pas renier du rien, enfin du tout au rien. Il y a eu quand même un cheminement historique autour de ça. Ok. Oui, bonjour. Oui, en fait, j'en profite déjà pour dire qu'au niveau là, rien que fonctionnement, juste une petite photo, gouvernance partagée, personne qui demande la parole. Ça fait 10 minutes que je demande la parole. Il y a 2 mecs qui ont parlé avant moi et qui sont. Et parce que la personne qui déroule son propos m'a demandé mon avis. Me dire je donnerai la parole après, et après 2 mecs ont pris la parole avant, juste à souligner, voilà. Bon, autre chose, moi je vais revenir en arrière du coup un petit peu puisque mon propos partait d'avant. C'était juste une constatation dans mon domaine que moi que je connais un peu plus, l'éducation, c'est que en fait ce choix là dont on a parlé tout à l'heure au niveau de sortir de la Révolution française, ce même choix s'est posé au niveau de l'application de l'école de Jules Ferry au moment où on a décidé que c'était l'école de Jules Ferry que l'on utilisait. Parce que cette école-là, c'est une école qui a normalisé et qui est faite, et tous les programmes, et c'est de plus en plus visible et de plus en plus catastrophique à ce niveau-là, viennent là-dessus pour former des moutons qui ne se posent pas de questions. Et avant, juste avant, au moment de la bascule, il existait pour le peuple, parce qu'il y avait l'école des élites religieuses, en gros, et l'école du peuple, qui était une école de multiniveaux, donc beaucoup plus riche. Tu nous emmènes bien plus loin que mon propos. Hein. Du coup, je te laisse faire et je te laisse dérouler, mais je t'invite du coup à être concise. Oui, oui, mais c'est la fin. Parce que je tire mon fil hein, aussi. Hein. Oui. C'est pour ça que tu n'as pas la parole au moment où tu le souhaites. Vas-y. C'est une école qui était déjà de multiniveau et avec des choix. Et c'est une école, je rattache à ton propos, qui mène à l'anarchie dans le bon sens du terme. Mmh. Parce qu'avec des gens qui savent réfléchir, qui savent choisir surtout, et qui savent choisir et fonctionner sans personne au-dessus qui tient le pouvoir, en fait. Sauf que Jules Ferry. Voilà. Très bien, merci. Évidemment que l'une des solutions à la démocratie, c'est dans l'éducation, et évidemment qu'il faudrait vivre dans notre quotidien et faire vivre aux enfants des processus démocratiques pour que les choses changent, du coup, évidemment. Et évidemment qu'on vit ça à peu près nulle part. Je suis sûr que vous êtes engagés dans le monde associatif les uns les autres. Moi, je suis un ancien directeur de centre social. J'ai passé 25 ans dans ce milieu-là. Et ben moi, j'en arrive à la conclusion que le monde associatif n'a pas beaucoup de leçons à donner sur les fonctionnements démocratiques. Je crois que culturellement, il y a quelque chose qui est quand même très, très ancré dans notre société. Dans tous les domaines de notre société, on a quelque chose qui est quand même repose très, très fort sur l'homme ou la femme providentielle. Il y a quelqu'un qui sait et qui va nous emmener, qui va nous sortir des limbes. Et on ne croit pas tellement en nous. Hein ? Et du coup, il faut que ce soit des gens les plus éduqués, les gens les plus éclairés. Et c'est eux qui vont nous sortir du marasme dans lequel on est. Alors, ça ne marche pas hyper fort en ce moment. Hein ? Voilà. Mais je crois que dans nos associations, on aurait tout intérêt à essayer de mettre en place de la démocratie un peu partout. Vous savez que les assemblées générales, c'est l'instance suprême dans nos associations. Je ne sais pas comment ça se passe aux assemblées générales. Pour moi, la seule surprise qu'il y a, c'est la composition du buffet, hein, en gros, hein, dans une assemblée générale. Hein. On va voter à l'unanimité un rapport d'activité, un rapport moral, un rapport financier, machin, et tout le monde est content. Alors, de temps en temps, il y a un putsch, ça c'est cool. Mais globalement, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. On fait croire que c'est nos adhérents qui construisent les orientations politiques de nos associations, mais pas du tout. Ce sont leurs représentants. On reproduit exactement le même type de fonctionnement dans nos associations, comme dans nos communes, comme à l'échelle de l'État. Souvent dans nos associations, on a un truc qui s'appelle le CA, conseil d'administration, et puis on a un autre truc qui s'appelle le bureau, bureau exécutif. Vous n'avez pas l'impression que des fois dans les associations, le bureau exécutif, il décide d'à peu près tout, et que les CA consistent juste à informer les administrateurs de ce qui va se décider ? Vous avez déjà vécu ça ou pas ? Des CA hyper informatifs. Parce qu'il y a trois personnes dans un bureau qui ont déjà pris toutes les décisions. Donc il va falloir maintenant convaincre les gens du CA que c'est ça qu'il faut faire. Ça marche sur la tête, non ? Et là, on peut gueuler du coup sur le gouvernement de Macron qui suit pas, qui prend des décisions à la place de l'Assemblée, etc. Et que la démocratie n'est pas respectée. On fait pareil. Enfin, on fait pareil, pardon, je ne sais pas vous, mais beaucoup d'associations font à peu près la même chose, à savoir deux ou trois bonhommes, souvent des bonhommes d'ailleurs, qui s'enferment dans un bureau et qui prennent des décisions pour les gens. Ouais, alors t'as pris beaucoup la parole, toi. Alors c'est pas parce que t'es jeune que tu vas avoir davantage la parole que les vieux. Sache-le. Donc on va essayer de rééquilibrer la parole, et du coup, merci pour cette remarque. On va faire attention, mais vous allez faire attention, parce que, encore une fois, c'est pas moi qui suis responsable de ça. Vous allez faire attention de l'équilibre des prises de parole, de faire en sorte que la parole circule, et qu'il y ait une belle alternance entre des hommes et des femmes, entre des jeunes et des moins jeunes, etc. Ça va ? Comment est-ce qu'on fait pour basculer dans tout ça ? Alors, moi, je sais pas comment est-ce qu'on fait, mais en tout cas, moi, j'ai vécu une expérience dans mon petit village à Saillant. Si vous avez l'occasion, vous verrez dans ce bouquin où vous tapez Saillant sur le net et vous verrez qu'il y a plein de choses. Juste comme ça, pour savoir qui a déjà entendu parler de Saillant ? Ouais, c'est cool. Plein de gens. Voilà. C'est une jolie petite histoire dans un petit bled dans la Drôme de 1500 habitants. Je vais pas la raconter parce que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Mais en gros... Le maire qui était en place a décidé tout seul comme un grand de l'implantation d'un supermarché à la sortie du village. Et ben du coup, il l'a payé très cher puisqu'il y a un collectif qui s'est mobilisé et qui a fait en sorte que ce projet ne fonctionne pas. Et ensuite, à la veille des élections, ce monsieur se représentait et il n'y avait pas de liste en face. Donc il y a eu à un moment donné une espèce d'émotion collective en se disant putain, ce mec va pas regagner, enfin va pas être reconduit automatiquement, c'est pas possible. Il vient nous faire la démonstration de l'autocratie crasse, vulgaire, machin. C'est pas possible que ce mec repasse comme ça. Donc c'est à ce moment-là que on a fait courir le bruit, la rumeur qu'une liste allait se présenter en face de lui, et on a organisé une réunion publique. Sauf que quand les gens sont venus à la réunion publique, on leur a dit que... Alors eux, ils s'attendaient à voir des gens sur une estrade, qui allaient se présenter, qui allaient présenter un programme. Sauf que quand les gens sont arrivés, on leur a dit, bah, on n'a pas de programme et on n'a pas de candidat, les gars. Donc il va falloir bosser pour faire ça. Voilà. Ça, c'est le démarrage de l'aventure de Saillant. Et en 2, 3, 4 réunions, on a construit un programme. On a eu des candidats qui se sont portés volontaires. Et ensuite, il y a eu cette aventure. Voilà. Si vous avez des questions à la fin sur pourquoi on a perdu en 2020, j'aurai des réponses à vous apporter. Et donc moi après derrière, ben, j'ai accompagné à peu près 200 collectifs qui ont voulu se présenter aux élections 2020. Donc moi j'appelais ça à l'époque des listes participatives, pas en référence à démocratie participative, en référence au fait que ces listes, moi ça m'allait pas liste citoyenne. C'est pas parce que t'es citoyen que t'es démocrate en fait, ça me suffit pas comme... Donc moi je parlais de listes participatives parce que c'était des groupes qui, dont l'objet premier... était de réinventer la démocratie, en tout cas de mettre en place des expérimentations véritablement démocratiques. Donc voilà, donc il y a certaines de ces listes qui l'ont emporté et qui ont gagné les élections. Et ça va de Vaour, 345 habitants dans le Tarn, jusqu'à Poitiers, plus de 90 000 habitants dans la Vienne. C'est la Vienne, Poitiers. Hein ouais. Et donc moi j'ai eu la chance d'accompagner à peu près 80 communes. Donc des petites communes et des grandes communes sur ces questions de démocratie et non pas de participation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ça vous parle, la démocratie donc participative? On a vu que c'était un pléonasme. Vous avez une opinion un peu sur l'intérêt de ces gadgets participatifs? Ah merde, ça y est, j'ai déjà donné une opinion en disant gadget. La démocratie participative, en fait, n'a absolument, de ce que moi j'en observe, entre les conseils de quartier jusqu'au budget participatif et autres conventions citoyennes sur le climat, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un peu une grande catastrophe, tout ce truc-là. Ça vous parle, la convention citoyenne sur le climat? Je pense que ça a été de l'ordre d'une grande réussite, parce que ça a réhabilité le tirage au sort. Et maintenant, je crois que ceux qui ont suivi l'affaire sont un peu convaincus que les gens tirés au sort sont en capacité de produire des choses de qualité. C'est ce qui s'est passé pendant la convention citoyenne sur le climat, donc ça, c'est génial. Par contre, la sortie politique du truc, elle est juste catastrophique, en fait, quoi. C'est redevenu un truc consultatif. Voilà. Je ne vous parle pas des budgets participatifs qui sont transformés. Allez voir du côté de Porto Alegre ce que c'était à l'origine le budget participatif. 30% d'un budget d'investissement d'une ville comme Porto Alegre, de plus d'un million d'habitants, c'est des dizaines de millions d'euros qui étaient mis dans le paquet commun et qui étaient du coup... 30% du budget d'investissement d'une ville d'un million et demi d'euros. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose, quoi. Et c'était travailler directement dans les favelas, en fait. Et donc, du coup, on était vraiment dans une démarche de justice distributive, de rééquilibre des quartiers, etc. Machin. On était vraiment dans quelque chose de politiquement extrêmement profond. Et regardez ce qu'on en a fait, quoi. Vous avez un budget participatif à Saint-Étienne? Non. Oh. Dommage. Dommage. Mais je peux vous assurer que le budget participatif n'est absolument aucun moment un gage de démocratie. C'est un gage de mensonge démocratique. C'est un gage d'illusion démocratique. Mais ça n'est absolument pas un gage de démocratie. Ça n'a plus rien à voir avec la fonction de démarrage. Les budgets participatifs, en fait, tu lances un concours de projet, tu mets 0,01% du budget en jeu et les gens vont se rentrer dans un concours de projet, du meilleur projet. Entre des bancs publics, des jardins partagés et des machins. Enfin voilà, c'est une blague tout ça. La démocratie, c'est d'impliquer les citoyens sur les sujets structurants. C'est pas de les impliquer sur des sujets tout le monde se fout ou sur des sujets superficiels. On va pas perdre du temps à impliquer des habitants, des citoyens dans des sujets superficiels. Il faut les impliquer directement dans les sujets structurants. Donc, l'invitation, c'est vraiment de se dire la démocratie, ça doit être sur des sujets structurants. Le reste, ça n'a aucun intérêt. Alors si, c'est des exercices, c'est intéressant, c'est toujours intéressant de réfléchir avec les gens. Mais moi, je ne connais aucune ville en France qui a mis en participation réelle et authentique un sujet structurant. Je ne sais pas si vous avez des exemples. Peut-être qu'à Saint-Étienne, il y en a plein. Moi, j'en connais pas. Je connais que mon histoire à Saillant, où on a monté une assemblée sur le PLU. Ça vous parle, le PLU? Le plan local d'urbanisme. À Saillant, on a décidé que la révision du PLU allait se faire par 12 habitants tirés au sort, 4 élus et un cabinet d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on a dit à tous les propriétaires terriens, les petits gars, vos petits arrangements entre amis, vous savez que c'est comme ça que ça se passe, le PLU? Vos petits arrangements avec le maire, c'est fini. C'est 12 habitants tirés au sort et 4 élus qui vont délibérer et aboutir à une révision du PLU. Je connais aucune mairie qui a réussi à mettre un sujet aussi structurant dans une assemblée décisionnaire avec des habitants. Donc voilà, donc ça c'est un premier indicateur en fait. Si vos sujets de participation sont des sujets superficiels ou des sujets secondaires, je ne vois pas l'intérêt. Je crois qu'on a autre chose à foutre. Déjà, on n'a pas beaucoup de temps. Si en plus qu'on est invité, c'est sur des sujets secondaires, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller participer. D'autant plus que cette participation, en fait, elle ne fait office que de consultation. Et la plupart du temps, les élus font la démonstration qu'ils se servent bien de ce dont ils ont envie dans les consultations qu'ils font. Ou pas. Vas-y. Au final, tu as un peu répondu à la remarque que j'allais faire, à la question que j'allais poser, mais pour moi, accuser les conventions citoyennes ou les conseils de quartier d'être inefficaces et pas démocratiques, c'est comme accuser d'un tournevis d'être dangereux parce qu'il y a un déséquilibré qui l'a mal utilisé. En gros, ce que je veux dire par là, c'est les conventions citoyennes, les conseils de quartier ou autres dispositifs, budget participatif, etc., si c'est bien posé dans un système avec des contraintes à droite à gauche, avec ce qu'on sait, des obligations, un cadre légal qui vient les protéger, qui vient réglementer comment elles sont utilisées, qui vient obliger d'autres gens à les utiliser, en tout cas, voilà, qui les place vraiment dans des endroits importants. Et tu l'as dit, sur quoi ? Sur des sujets structurants. Pour moi, ces dispositifs-là, ils sont intéressants. Et donc, la Convention citoyenne sur le climat, la problématique, c'est en aucun cas, ni la Convention citoyenne, ni le climat, ni les personnes décidées au sort, c'est qu'on est dans un système qui permet de s'entorcher le cul avec, en gros, pour le dire comme ça. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir beaucoup plus largement, mais c'est exactement ce que tu viens de faire. Je vais en profiter pour vous parler du fonctionnement de l'Assemblée citoyenne et populaire de Poitiers, d'accord ? Qui est sans doute, moi, dans ces dernières années, là, ces 5 années de travail avec les communes, c'est sans doute ce que j'ai fait de plus structurant, de mon point de vue. Loin d'ailleurs, le PLU de Saillant, hein. Mais bref, voilà. Vous comprendrez que le Saillant, ça reste encore pour moi quelque chose de l'ordre d'une pépite et d'une étincelle assez incroyable. J'ai eu la chance de vivre ça. À Poitiers, donc, on a construit le règlement intérieur de l'Assemblée avec des gens tirés au sort. L'une des bases de la construction de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on va mettre au même endroit des élus, des citoyens tirés au sort, des experts et des agents de l'administration. D'accord ? Plutôt que de faire travailler ces gens-là d'une manière isolée, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, les copiles, c'est pour les élus, les cotex, c'est pour les techniciens, et les habitants, les citoyens, on les fait venir de temps en temps dans une réunion d'info pour leur dire que... Voilà. Bref. Là, l'idée, c'est de faire venir tous ces gens au même endroit. Et on va faire délibérer ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'on met les élus dans l'Assemblée ? Si vous ne mettez pas les élus dans l'Assemblée, dans la Convention citoyenne, les élus n'étaient pas dans l'Assemblée. Si vous ne mettez pas les élus dans l'Assemblée, qu'est-ce qui va se passer ? Les élus, évidemment, qui ont été dépossédés de la délibération, vont reprendre le résultat de la délibération et vont en faire ce qu'ils en veulent. Mais ils ont raison. Ils ont été élus. C'est pas pour être évincés d'une délibération sur un sujet important. C'est stupide de penser ça. Donc il faut bien que les élus soient dans l'Assemblée. Et qu'est-ce qu'on va demander aux élus, du coup, dans l'Assemblée ? Les élus dans l'Assemblée, en fait, on va leur demander de tenir des lignes politiques, des orientations politiques. On va faire bosser les citoyens tirés au sort sous contrainte. Alors ça peut être un peu choquant, on peut en discuter de ça. Les citoyens tirés au sort, un citoyen tiré au sort, il faut bien qu'il ait un peu conscience des contraintes administratives, financières, techniques et politiques pour pouvoir délibérer de manière intelligente. Donc les élus, en fait, ils vont être dans l'Assemblée pour, à un moment donné, pouvoir dire « là-dessus, j'ai une objection politique ». Exemple, à Poitiers, on travaille sur l'incivilité dans l'espace public. On a demandé, moi j'ai travaillé avec les élus de Poitiers, en leur disant « est-ce que vous êtes OK avec tout ce qui pourrait sortir de cette Assemblée ?» Donc au début, oui, bien sûr, c'est la partie... Et en insistant un petit peu, eh ben, ils ont fini par nous dire bah, « non, par exemple, armer la police municipale, c'est niette ». Démultiplier les caméras de surveillance, il y en a déjà beaucoup, c'est non. Démultiplier les bancs anti-SDF, puisque l'équipe d'avant avait mis en place des bancs anti-SDF, c'est non. Donc vous voyez, on a posé un certain nombre de trucs, et les élus, on a demandé aux élus, devant l'Assemblée, devant les citoyens tirés au sort, de se positionner en disant « on a une étiquette, on est plutôt de gauche écolo, on a des valeurs ». Et donc, dans ces valeurs, la conclusion de ces valeurs, c'est qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on n'ira pas. Donc moi, ce que je demande aux élus, c'est de tenir ça dans l'Assemblée. C'est pas parce que tu as été tiré au sort, c'est pas parce qu'une Assemblée a été tirée au sort qu'on va faire n'importe quoi. Non, non. Il y a eu une équipe qui a été élue avec des orientations politiques. L'Assemblée, elle va travailler dans le cadre de ces orientations politiques. Par contre, une fois que les objections, quand le cadre politique et les orientations ont été posées et que tout le monde accepte de jouer là-dedans, par contre, là, on va exiger un rapport d'équivalence entre les élus et les citoyens tirés au sort. Ça vous va ? C'est pas choquant ? Si vous travaillez pas comme ça, si vous mettez les élus à l'extérieur, forcément, si le sujet est important, évidemment que les élus vont reprendre les travaux. Je ne veux pas opposer la représentation, la démocratie représentative et la participation directe des habitants. Pour moi, il faut les deux. Donc dans ce que je vous propose, en tout cas dans ce qu'on a proposé à Poitiers, on va considérer que la fonction politique, elle est bicéphale. Il y a deux manières, en fait, il y a deux façons de représenter le peuple. Il y a l'élection qui est un mandat long, de 5 ans, de 6 ans, avec un certain nombre de prérogatives qui sont garants des orientations politiques de la campagne. Donc les élus sont garants des orientations politiques de la campagne. Prendre des décisions de l'ordre des affaires courantes, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gère la boutique. Ça se gère, hein, une ville. Hein. Donc il faut bien qu'il y ait des permanences, il faut bien qu'il y ait des élus qui soient là sur le long terme pour gérer. Il faut vérifier l'exécution des décisions. Donc ça, il faut des élus pour faire ça. Enfin, vous voyez, donc les élus, ils ont déjà noir de trucs à faire. Hein. Et il faut aussi que les élus soient garants de ce nouveau modèle démocratique. Donc ça, c'est le boulot des élus. Et moi, je vous propose, dans cette double tête politique, je vous propose de mettre en regard de l'élu représentant du peuple légitimé par l'élection, je vous propose de mettre le citoyen tiré au sort au même niveau de représentation du peuple que l'élu via l'élection. Sauf que le citoyen tiré au sort, il ne va pas exercer son rôle de représentant politique sur un mandat, il va l'exercer juste le temps de la délibération. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle délibération, à chaque nouveau sujet, on va refaire un tirage au sort et on va se dire que tu ne peux pas te tirer au sort deux fois, sauf dans un village de 12 habitants. Sinon, tu ne vas pas pouvoir être tiré au sort deux fois le long de la mandature. Donc, on pourrait imaginer que dans une ville comme Saint-Étienne, on pourrait tout à fait faire jouer ça. Et pour moi, ça vient répondre à la définition que je vous ai apportée tout à l'heure, enfin, qui est une définition importante pour moi pour définir la démocratie, à savoir l'égalité politique, la possibilité pour tous les citoyens de gérer les affaires de la cité. Ben, moi, je pense qu'en faisant ça, c'est une manière de répondre à cette exigence de pouvoir appeler n'importe quel citoyen à la gestion des affaires de la cité. Ça va ? Cette assemblée, son boulot, en fait... Alors déjà, est-ce que vous savez que le droit à l'interpellation citoyenne, c'est pareil, ça n'est pas autorisé par notre Constitution. L'interpellation citoyenne, c'est le pouvoir donné aux citoyens de pouvoir inscrire à l'agenda politique un sujet qui leur importe. En France, c'est interdit. On a un droit de pétition, mais ce n'est pas un droit d'interpellation. C'est l'histoire du RIC. Hein. Dans RIC, il y a interpellation citoyenne. Alors, il y a aussi référendum. Voilà, ça va encore chercher plus loin. Mais c'est aussi la capacité du peuple réuni, d'un collectif, d'imposer la mise en débat et en délibération d'un sujet. En France, on n'a pas le droit de faire ça. C'est le maire, à l'échelon local, qui décide de l'agenda politique. Donc avec l'Assemblée, on va faire péter, enfin, en tout cas avec la proposition que je vous fais, j'essaie de faire péter deux endroits. J'essaie de faire péter l'interpellation, c'est-à-dire le début, qui choisit de quel sujet on traite. Et j'essaie de faire péter la sortie de la délibération, à savoir qui décide. Parce que dans mon histoire, lorsque l'Assemblée, donc je parle toujours de Poitiers, mais du système d'Assemblée, à la fin de la délibération, l'Assemblée s'est positionnée sur une décision. Ok ? Cette décision, moi ce que je propose, c'est qu'elle s'impose au Conseil municipal. On nous fait croire que le Conseil municipal est une instance de délibération. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un conseil municipal. C'est aussi délibérant qu'une assemblée générale. Hein. À peu près le même niveau de surprise, du résultat, tout ça, machin. C'est à peu près la même chose. D'accord ? Tout a déjà été décidé avant le conseil municipal, évidemment. La différence entre la majorité et la minorité est tellement écrasante que, sauf putsch, il ne va pas y avoir de grandes surprises sur l'issue du vote. Et les choses ont déjà été travaillées en amont. Donc, puisque le conseil municipal n'est qu'une chambre d'enregistrement, et moi, je vous dis, le conseil municipal, mis à part dans quelques bleds qui font jouer encore un peu de délibération au conseil municipal, mais dans 99% des cas, le conseil municipal n'est qu'une chambre d'enregistrement, et ben moi, je vous propose que l'endroit où on délibère, c'est l'Assemblée, c'est pas le conseil municipal. Donc, le conseil municipal va enregistrer le résultat de l'Assemblée. Et pourquoi c'est pas un problème ? C'est pas un problème parce que les élus ont exercé leur capacité, leur pouvoir de poser des objections politiques. Ce qui sort du travail de l'Assemblée, les élus, a priori, n'ont aucune raison de s'y opposer, puisqu'ils ont participé à la délibération et parce qu'ils ont posé des objections, donc ils ont posé un cadre idéologique dans lequel les habitants ont travaillé. On va faire pareil avec les experts et les agents, c'est-à-dire qu'on va aussi faire travailler l'Assemblée sous contrainte financière et sous contrainte administrative. C'est-à-dire que lorsque les habitants vont définir des projets, eh ben à un moment donné, il va falloir se confronter à combien ça coûte, quelles ressources on a, les questions de moyens humains, etc., etc. Toutes ces questions vont évidemment se poser. Et donc les habitants vont décider en fonction de tout ça, Donc, encore une fois, sous contrainte. On ne fait pas bosser les gens dans le rêve absolu comme si tout était possible. On les fait bien bosser sous contrainte. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini la délibération, ce qui sort de la délibération, il n'y a plus aucune raison de le discuter en conseil municipal. Ça a déjà été discuté. Et ça, juste pour finir là-dessus, sachez que ça, c'est illégal. Donc vous verrez, ça je le raconte aussi dans le livre, à Poitiers, lorsqu'on a fait cette délibération, l'opposition, qui était une opposition PS, pardon, mais je ne mets pas le PS, tout le PS dans le même panier, hein, je parle de cette opposition-là, a porté un recours en préfecture en disant que c'était illégal. Et en fait, le préfet a effectivement condamné la ville de Poitiers à retirer sa délibération, puisque c'est illégal. Et donc, il y a une page et demie que j'essaye de résumer dans le bouquin où le préfet explique en quoi une assemblée populaire ne peut pas être contraignante pour des élus. En démocratie, hein. Bah, je vais vous dire ce qu'on fait, parce que du coup, c'est très facile de faire péter ce truc-là. Donc, par voie de presse, les élus de Poitiers se sont évidemment inclinés devant le préfet. Qu'est-ce que vous voulez faire ? T'es obligé. Donc, ils ont modifié la délibération. Ils ont dit que l'assemblée n'était que consultative. Par contre, ils ont déclaré dans toute la presse locale et nationale que l'Assemblée resterait décisionnaire. Donc, ils ont entamé le bras de fer avec le préfet en disant « Si tu veux, mec, pas de problème. On va écrire officiellement que l'Assemblée n'est que consultative, mais sache que systématiquement, les élus de la majorité voteront à l'unanimité dans le sens de ce qui est sorti de l'Assemblée. » Donc, c'est une manière très simple de contourner la loi. Moi, je vous invite à monter des assemblées populaires et comme par hasard, les élus de la majorité vont systématiquement voter dans le sens de ce qui sort de l'Assemblée. Et ça reste légal. Donc vous faites semblant de délibérer au Conseil municipal, mais c'est ce qu'ils font actuellement, ils font semblant de délibérer au Conseil municipal, et vous allez systématiquement dans le sens de ce qui a été décidé dans l'Assemblée. Ça vous va, ça ? Sachant qu'encore une fois, la délibération a pris en compte l'ensemble des contraintes politiques, financières, techniques. Les élus seuls n'iraient pas plus loin, ne pourraient pas aller plus loin que le travail qui a été fait dans l'Assemblée. Donc voilà, donc ça c'est une manière d'être dans l'illégalité, mais tout en se couvrant, puisqu'il suffit de le faire passer par la case conseil municipal pour que ça marche. Mais ça, ça nécessite du coup un engagement moral des élus. C'est pour ça la quatrième fonction que je donne à l'élu, moi, c'est d'accepter une forme de désobéissance civile. Donc je demande aux élus de désobéir à la Constitution. Mais de le faire finement. L'idée, c'est pas de rentrer en guerre. L'idée, c'est juste de faire passer le truc par la case conseil municipal. C'est pas très compliqué. Mais par contre, il faut qu'il soit garant de ça. N'importe quel élu pourrait se retourner contre la décision en disant « Le circuit de la décision n'est pas passé par le circuit habituel, donc on casse la décision. » Donc il faut pas que les élus fassent ça, parce qu'évidemment, ça ne marche plus. Bah si, il faudrait changer la constitution, mais moi, je vous... Voilà. J'espère, hein. Non, ce qui était légal, c'est de considérer, c'est ce qu'on a noté, nous, dans la délibération, c'est de dire que la délibération de l'Assemblée populaire s'impose au Conseil municipal. Ça, on l'a écrit. Parce que nous, on considérait qu'on était en démocratie, naïvement. C'est deux questions techniques. Ton tirage au sort, comment est-ce qu'il est effectué ? Est-ce qu'il est intégral ? Est-ce qu'il est cadastral avec des critères ? Qu'est-ce que vous faites ? Et il y a une deuxième question qui est l'indemnité des citoyens qui sont tirés au sort, parce que les autres techniciens, les élus, ont des indemnités, voire des salaires pour être là. Mais ce n'est pas le cas des citoyens. Et pour avoir une participation qui continue dans le temps, on sait que c'est une des difficultés. Donc, qu'en est-il ? Ouais. Bah, merci pour ces deux questions. On ne s'est pas concerté sur les questions avant. Bref. Donc, le tirage au sort, nous, on ne le fait pas sur les listes électorales, parce qu'on considère qu'un citoyen, ça va au-delà. Être citoyen, ça va au-delà d'avoir des droits pour voter. D'accord ? Donc souvent, nous, on commence à 16 ans, la capacité de participer à une assemblée délibérative, et puis on va s'adresser aussi aux gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, parce qu'on considère que c'est aussi des citoyens. On va considérer qu'est citoyen n'importe quelle personne qui habite ou qui a l'usage d'un territoire. Ok ? Bon, on va difficilement mettre des enfants de moins de 4 ans, parce que sinon c'est un type d'animation un peu particulier. Hein, mais pourquoi pas ? Enfin, en tout cas, voilà. Donc nous, on ne va pas partir de là, on va partir du plan cadastral. Donc on va faire un et ça, c'est intéressant, parce que ça fait partie des données publiques qui sont exploitables. Donc il y a un site qui vous permet d'obtenir les plans cadastraux des villes. Et donc, vos villes sont décomposées en lots qui correspondent à des immeubles ou à des maisons. Il y a des numéros. Et donc, nous, on va tirer au sort. Entre, je sais pas, à Poitiers, ça allait entre 1 et 25 000. Entre 1 et 25 000, si on veut 150 personnes tirées au sort, on va tirer 150 numéros entre 1 et 25 000. On tombe sur le lot numéro 4392, qui correspond aux 23 rue Paulbert. Et donc là, il y a un binôme qui va se rendre aux 23 rue Paulbert. J'ai habité aux 23 rue Paulbert à Saint-Étienne, en fait. C'est pour ça que... Voilà, c'est un petit truc comme ça. Enfin, bref. Donc, le binôme va se présenter aux 23 rue Paulbert, va taper à la porte, et la personne qui va ouvrir la porte, vous allez lui dire, on lui dit, « Félicitations, vous avez été tiré au sort !» Et bien du coup, nous, on va taper un peu au hasard. Donc là, il faut se donner un protocole. Et nous, notre protocole, c'est s'il n'y a personne qui répond ou si la personne qui répond finit par vous dire non, on se met d'accord sur un protocole qui consiste à aller soit à l'étage du haut, soit sur le palier à droite, soit sur le palier à gauche. Si c'est une maison individuelle, on va continuer, on va pousser du 23 au 25, etc. etc. On va se donner un protocole comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui vous dise oui. Si vous faites du tirage au sort et que vous faites un envoi de courrier, c'est comme ça que c'est fait la plupart du temps le tirage au sort, les études statistiques montrent qu'on a à peu près 6% de réponses positives. En gros, c'est toujours les mêmes. C'est des gens qui, de toute façon, se seraient déplacés, a priori, à La Réunion. Lorsque vous faites du porte-à-porte, c'est difficile d'avoir un recul statistique, parce que nous, ça fait que 5 ans qu'on fait ça, nous, on est plutôt autour de 35-40% de réponses positives. Pourquoi ? Il y a deux résistances au tirage au sort. La première résistance, c'est ça va servir à rien, comme d'hab. Il y a un an, je suis allé à une réunion publique, j'ai même pas eu de compte-rendu, je sais pas ce qui s'en est passé, je l'ai appris par voie de presse, c'est bon, je perds plus mon temps avec vous, ça n'a aucun intérêt. Donc là, il va falloir réussir à convaincre les gens que cette fois-ci, ça va être très différent. À vous d'être persuasif. Deuxième verrou à la participation, c'est j'y connais rien, je suis pas légitime. Et là, moi, en général, je fais le tirage au sort avec un élu, et donc à ce moment-là, je me retourne vers l'élu, et je dis à l'élu, mais toi non plus, tu connais rien au sujet. Et le mec me dit, bah oui, moi non plus, je connais rien au sujet. Et hop, du coup, on en rigole, et on se dit, bah, ça tombe bien, c'est un peu ce profil-là qu'on cherche. C'est à peine une blague, ce que je vous raconte là. Nous, on a dans la tête que nos élus sont des experts. On est en train de confondre deux rôles qui n'ont rien à voir. Mais c'est ça qu'on essaye de nous faire admettre, en fait. On choisit les meilleurs, c'est la méritocratie, parce que c'est des gens qui savent. Mais ils savent que dalle. Allez faire le tour de vos élus et l'urbanisme, vous allez voir combien connaissent le code de l'urbanisme. Enfin, je veux dire, c'est une blague. C'est pour ça qu'on fait une révision de PLU, on fait appel à un cabinet d'urbanisme. On n'est pas fous. Donc, pourquoi un habitant tiré au sort serait plus idiot ou serait moins en capacité qu'un élu de monter en compétence en contact d'un expert ? Moi, je ne vois aucune difficulté à faire ça. Donc, c'est ça qu'on explique aux gens quand on fait du porte-à-porte. On lui dit, t'y connais rien, c'est normal, l'élu non plus, mais il y a des gens qui vont, il y a des experts qui vont développer des visions différentes et contradictoires, qui vont nous nourrir et qui vont nous permettre de monter en compétence pour pouvoir prendre une décision. C'est ça qu'on explique aux gens. Et bien, en expliquant ces deux trucs-là, un, pour une fois, ça va servir à quelque chose et tu vas voir que cette fois-ci, on va décider avec les élus et on leur fait comprendre que c'est bien inédit, que c'est vraiment ça qui va se passer, contrairement à la Convention citoyenne sur le climat. Et deux, son côté naïf sur le sujet, c'est exactement le profil qu'on va chercher. Qu'est-ce que ça veut dire, délibérer ? Délibérer, ça ne veut pas dire marchander. Hein. Si vous mettez dans une salle des experts qui pensent que le nucléaire, c'est un problème, face à des experts qui pensent que le nucléaire, c'est une solution, vous n'allez pas délibérer. Si vous mettez des militants ou des experts d'un sujet face à des militants d'experts sur un autre sujet, ça ne va pas délibérer, ça va s'envoyer des arguments pour essayer de convaincre l'autre. Mais aucun camp n'a aucune chance de convaincre l'autre camp, en fait. Hein. Délibérer, c'est pas ça, de mon point de vue. Délibérer, c'est d'arriver avec une opinion qui n'est pas complètement figée et se laisser emporter par la discussion et par l'apport d'expertise pour pouvoir se forger au fur et à mesure une opinion collective. Donc pour moi, l'acteur principal d'une délibération pour construire l'intérêt général, c'est un habitant un peu naïf. Les militants, les experts, etc., on va les faire venir sur le domaine de l'expertise, pas dans la délibération. On va les faire délibérer on va les faire, on va leur donner du coup la possibilité de nous donner une vision technique des choses, mais sûrement pas de délibérer. C'est pour ça qu'en général, dans les assemblées, les experts sont là, sont pas là tout le temps, on les fait sortir de l'assemblée avant la décision à prendre. On est d'accord que du coup, un expert, ça peut très largement influencer les débats. Donc, l'expert est là pour éclairer les débats, il n'est pas là pour influencer le débat. Sinon, il n'y a pas besoin d'élus, il n'y a pas besoin d'assemblée, vous laissez les experts décider et vous faites ce que les experts ont décidé de faire. Voilà, je vous allume juste le truc que peut-être que l'intérêt général, ce n'est pas exactement la vérité scientifique. Peut-être qu'il y a une différence entre la vérité scientifique et l'intérêt général. Peut-être. Peut-être que la vérité scientifique est là pour allumer, éclairer l'intérêt général, mais peut-être que ce n'est pas exactement l'intérêt général. Je vous renvoie à la période Covid, etc. Enfin voilà, bref. Alors, l'indemnité. Alors du coup, notre préfet de Poitiers, une fois de plus, a agi, et donc il a rendu illégale l'indemnité qu'on avait prévue pour les citoyens. Il a considéré que l'indemnité donnée par une ville à des citoyens devait correspondre à un projet d'intérêt général, et il considérait que les assemblées citoyennes et populaires n'étaient pas de l'ordre de l'intérêt général. Donc aujourd'hui, nous, on en est là, et le problème, c'est que ça va faire jurisprudence, parce qu'il y a eu un appel qui a été fait par les élus de Poitiers, ils ont perdu l'appel. Donc là, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment une boîte qui accompagne, qui anime une assemblée, comment la boîte pourrait verser des indemnités directement aux habitants tirés au sort. On est en train de réfléchir à ça. Mais évidemment, c'est quand même bizarre, dans une assemblée, en fait, tous les gens sont plus ou moins payés, indemnisés, machin, sauf les citoyens tirés au sort. C'est bizarre comme les élus touchent une indemnité, les agents de la collectivité. En termes de mobilisation, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ce n'est pas tellement les 50 balles que tu vas gagner par jour, c'est le. Il y a quelque chose de, pour moi, de. Il y a un principe, c'est ça, c'est de l'ordre du principe, c'est de l'ordre du symbole. Je vais toucher 50 balles par assemblée, j'ai touché 200 balles pour ma présence à 4 assemblées, il y a quelque chose qui va me ramener. Qui va me faire venir aux quatre assemblées parce que je me suis engagé et j'ai eu un contrat. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre du symbole qui, pour moi, est une forme de reconnaissance d'eux. Mais je t'avoue que je ne l'ai pas tellement vécu, ce truc-là, expérimenté. Donc c'est une question que je laisse en l'air, mais c'est juste, moi, je me dis que peut-être ça peut être un sujet. En tout cas, les autres sujets, c'est d'organiser des gardes d'enfants. Les autres sujets, c'est de faire des temps d'assemblée pendant les temps où les gens sont disponibles, etc. Donc il faut penser à tout ça, évidemment. Mais ça ne suffit pas. Il faut que vos assemblées soient joyeuses, dynamiques. Il faut qu'il y ait des vraies décisions qui soient prises à la fin, etc., etc., etc. Il faut toutes ces conditions pour que les gens reviennent, viennent et reviennent dans vos assemblées. Mais en tout cas, c'est vrai que le tirage au sort et le porte-à-porte, ça apporte vraiment cette dimension-là. Je sais que pour la Convention citoyenne pour le climat, il y avait eu des procédures pour s'assurer de la représentativité des personnes tirées au sort. Est-ce qu'à plus petite échelle, du coup, vous avez des procédures pour être certain d'avoir un échantillon représentatif ? Alors du coup, c'est vrai que le tirage au sort et le porte-à-porte, ça va vous nécessiter, du coup, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle prend du temps. Si vous voulez 150 personnes tirées au sort, il va falloir en tirer au sort à peu près 300. Parce que dans ceux qui vous disent oui, si vous voulez avoir 50% d'hommes et de femmes, il va falloir à un moment donné, si vous avez trop d'hommes qui ont dit oui, il va falloir dire à certains hommes que ça n'est pas possible. À Poitiers, on a aussi, je crois qu'il y avait 20% d'étudiants, donc on a fait en sorte d'avoir 20%, nos 150, 20% d'étudiants, autant de pourcentage de retraités, et on avait essayé aussi de respecter un peu les catégories socio-professionnelles. Plus vous rajoutez des critères, et plus il va falloir tirer au sort des gens et faire du porte-à-porte, et plus ça devient compliqué, etc. Après, sincèrement, le porte-à-porte, mais quel bonheur d'aller voir les gens, hein. Et c'est trop drôle parce que d'abord, tu te fais engueuler. Ouais, le trou, là, machin, ça fait 10 fois que j'appelle la mairie, machin. Ok, l'élu, il est un peu là pour prendre, voilà, ça brique. Et puis après, une fois que la colère est passée, putain, on a eu des moments extraordinaires avec des gens. Et juste vous dire, à Poitiers, par exemple, il y a un petit film qui a été fait sur Poitiers. Débrouillez-vous pour le retrouver. Il est sur ma page Facebook, mais je suis un vieux, moi j'ai encore des trucs Facebook, puis c'est pas bien parce que c'est machin. Bref, débrouillez, enfin voilà. Je sais même plus le titre, c'est un petit truc 12 minutes qu'on a fait. Allez sur le site de Fréquence Commune par exemple, vous verrez qu'il est en ligne sur le site de Fréquence Commune. Et en fait, il y a un personnage, Eléa, qui, lorsqu'on est allé taper à sa porte, nous a dit « Je n'ai jamais voté de ma vie, j'y crois pas une seule seconde. » Je crois qu'Eléa est sur la liste de Poitiers de 2026. Voilà. Et je sais que dans la nouvelle liste de Poitiers en 2026, on a plein de gens qui ne mettaient pas un pied dans des réunions publiques et qui se considéraient comme très éloignés de la politique. Il se passe des choses absolument exaltantes dans ces assemblées. De mettre en présence des gens avec une animation qui tient la route, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. Je vais juste dire un mot sur la posture de l'animateur que je suis et qui est absolument indispensable à la démocratie. Si vous mettez au même endroit des gens qui ne pensent pas pareil, il va falloir que vous ayez quelqu'un qui joue le rôle un peu d'arbitre et qui puisse soutenir les minorités, les pensées minoritaires. Ouais, la démocratie, c'est pas le vote. On se l'est dit, ça, ou pas? C'est pas l'élection et c'est pas le vote non plus. Hein. C'est pas parce que la majorité est la majorité que la minorité a tort. Hein. On est au clair avec ça? Voilà. Donc, voter, ça vous fait pas de vous des démocrates. Voilà. Faites-vous des gens qui voulaient aller vite dans la délibération, mais ça fait pas de vous des démocrates. Lorsqu'on veut délibérer, en fait, on va soutenir la parole minoritaire. C'est-à-dire qu'on va considérer que dans la décision à prendre à la fin, il va falloir incorporer aussi la parole minoritaire. Je ne rentre pas dans le détail. Moi, je m'appuie beaucoup sur un truc qui s'appelle la sociocratie. Vous irez voir la gouvernance partagée, sociocratie, etc. Et moi, j'invite les gens à prendre des décisions au consentement, même si le consentement, maintenant, on l'utilise dans d'autres situations. Donc ça brouille un peu les pistes. Mais en tout cas, allez voir du côté des décisions au consentement. Je n'ai pas le temps de développer ça ici. Mais tout ça, ça s'anime. Et en fait, le fait de mettre en présence des gens qui ne pensent pas pareil, il va falloir que vous ayez un tiers, donc un animateur qui est capable de soutenir toutes les positions. Quand j'anime une assemblée, je ne suis pas au service de la ville. Moi, je suis capable de dire à un élu de se taire. Ou de dire à un élu qu'il n'est plus à sa place, qu'il a dépassé, de lui rappeler qu'il est en rapport d'équivalence avec les citoyens. Lui rappeler qu'il n'a pas à prendre la parole 14 fois. Lui rappeler, etc., etc. Je ne suis pas salarié de la mairie. Il vous faut du coup des animateurs qui soient indépendants du prestataire. Donc moi, ça fait partie des choses que je négocie avec la mairie en disant, et je préviens les élus, je vais vous demander de vous taire devant les gens. Ça va? Vous allez être, je vais vous traiter de la même manière que toutes les autres personnes qui sont présentes dans l'Assemblée. Donc on est au clair là-dessus. Et la deuxième chose sur laquelle on est au clair, c'est qu'on n'est pas là pour faire de la consultation, on est là pour décider de quelque chose. Donc moi j'ai l'engagement du maire que ce qui va sortir de l'Assemblée sera effectivement voté en l'état au Conseil municipal. Voilà, c'est deux engagements que je cherche. Et donc pour tenir tout ça, il faut quand même un animateur, vous voyez, un peu politique, qui tienne fort ces trucs-là. Et je crois qu'il nous faudrait des animateurs un peu partout, dans nos entreprises, dans nos associations, vous voyez, des gens qui soient juste là pour conduire la délibération. Vous savez qui conduit la délibération dans les conseils municipaux? Ouais. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire que c'est la personne qui a déjà le pouvoir de décision qui conduit le processus de délibération qui amène à la décision. C'est génial, non? Parce que du coup, si je ne suis pas d'accord avec toi et que c'est moi qui anime, tu vas avoir peu la parole. Voilà. Et en plus, si c'est moi qui prends la décision à la fin, autant dire que tout est réglé. Donc évidemment, pour animer la délibération, il faut des gens qui ne sont pas partie prenante dans la décision à prendre. Et moi, quand j'anime, ça c'est une clé d'animation, donc s'il y a des animateurs dans la salle ou des gens qui veulent se lancer là-dedans, moi je m'interdis, je ne me pose jamais la question de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui est dit. À partir du moment où je me pose cette question-là, c'est mort. Je ne peux plus soutenir quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord. Mon boulot d'animateur, c'est de soutenir toutes les positions telles qu'elles se présentent et d'avancer petit à petit jusqu'à une prise de décision. Je ne peux pas me poser la question de si je suis d'accord ou pas d'accord. C'est une des raisons pour lesquelles je ne bosse qu'avec des communes de gauche et écolo, et que je ne peux pas bosser avec une commune de droite ou d'extrême droite, puisque je serais trop mal à l'aise, et je serais obligé de me poser un certain nombre de questions sur ce qui est en train d'être délibéré, je ne pourrais pas. Voilà. Et pour me protéger de ça, en fait, du coup, moi, je n'ai aucun avis. Mais vraiment. Ma seule contrainte, moi, toute mon attention est basée sur les rapports de domination. Est-ce que la parole circule comme elle doit circuler? Est-ce que la parole minoritaire a été entendue? Est-ce que la parole minoritaire n'est pas en train de nous casser les couilles et d'inverser le principe de majorité à un principe de minorité? Faut faire gaffe à ça, hein. C'est pas parce qu'il y en a un qui est tout seul face à tous, effectivement, vous allez lui donner un peu la parole, mais à un moment donné, mec ou meuf, tu lâches ou pas ? Tu n'as pas réussi à convaincre les autres. Donc il n'est pas possible que la minorité empêche la majorité d'avancer. Vous voyez ? C'est tous ces trucs-là en fait, qu'il faut avoir en tête lorsque vous conduisez une délibération. Et tout ça, bah, c'est un petit job, quoi. Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça se fait et que c'est l'expérience qui fait l'animateur plus que les formations. Mais ça nécessite évidemment de se lancer puis de le faire un peu régulièrement. Mon chemin aujourd'hui, c'est juste de... Et peut-être qu'on va finir après avec des prises de parole, mais mon chemin, en tout cas, c'est... Aujourd'hui, c'est d'aller convaincre des citoyens et des collectifs citoyens, et voire des élus, qu'ils n'ont plus la légitimité de prendre des décisions sur les citoyens. Et je crois qu'il y a une urgence absolue, on en a parlé tout à l'heure, avec ce qui nous arrive là. Moi, j'ai peur que la vague brune, on se la prenne, hein. Enfin, je suis pas très optimiste là-dessus. Moi, j'ai bien peur que 2027, ça soit un peu compliqué. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, il va falloir des zones de résistance. Et moi, je vous propose que ces zones de résistance, ça soit dans les communes. Et de faire en sorte que si la vague brune devait déferler en France, ces zones puissent être des zones de désobéissance et des zones de protection pour des gens qui vont devenir les cibles d'un État qui va être en place. Et je propose aussi que ces endroits deviennent des endroits où on peut exercer la démocratie. Je ne sais pas si faire de la démocratie dans les communes, ça permet de faire de la démocratie au niveau national. Puis c'est même pas ma question. Par contre, je sais que le local et l'échelon communal, c'est le meilleur endroit pour expérimenter des processus démocratiques. Parce qu'on ne sait pas faire. On est des bébés sur ces processus-là. Et je crois que c'est à cet échelon-là qu'il faut s'y mettre. Et après, on verra bien ce que ça produit à l'échelon national. Mais moi, je ne crois pas tellement une 6e République qui va être écrite par de nouveaux élus. Moi, je crois que c'est de la désobéissance civile avec des assemblées décisionnaires qui vont se démultiplier. Et je crois que c'est ça qui va changer la Constitution. Je crois que c'est l'usage qui va finir par définir la règle. Voilà, moi, je crois beaucoup en ça. Voilà, je vais vous laisser là-dessus.